On va parler de la Ligue Alliance de football et de la NFL avec notre ami Tony Couzeau. Salut Tony. Bonjour Danny, ça va? Ça va bien. Tony, dernière chronique, évidemment. Après ça va être au besoin. Ça va être... Fait qu'on va y aller comme ça. Kareem Hunt a signé avec les Browns de Cleveland cette semaine. Écoute, le gars a quand même... Le gars a été blâmé. On a su l'histoire qui est arrivée l'an dernier. Une vidéo qui a été publiée par le site Team MZ, qui est un site à potins. Il était quand même plus jeune que Ray Rice, par contre. Ray Rice, on l'avait jamais revu dans la ligue. Mais est-ce que tu es surpris de voir Kareem Hunt se trouver une job? Ben, moi, je pense que c'est une embauche par les Browns. Une embauche de. Comment dire ça? De protection, comme on dit, parce que la Ligue nationale ne l'a pas encore confirmé. Il risque d'être encore suspendu par la Ligue, par les autorités, parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en plus de la fameuse vidéo qui montrait qu'il poussait une femme, tout ça, il y aurait eu aussi deux autres incidents après son licenciement par la part des Chiefs. Fait que ça, il y a eu beaucoup d'événements qui ont ressorti. Donc, je veux dire, Kareem Hunt, là, je me souviens plus quel âge qu'il a, là, mais oui, effectivement, il est plus jeune que Ray Rice. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que au niveau des Browns, c'est John Dorsey, le DG là, des Browns. Ben, c'est lui qui l'avait repêché à Kansas City. Donc il comprenait, il respectait pleinement la complicité des enjeux liés à l'embauche suite à ça. Donc, moi, je pense que c'est une protection parce qu'il est quand même... Qu'est-ce qui va être intéressant, là, c'est que... C'est un beau move, mais j'espère qu'il est suspendu dans un sens parce que il y a quand même, c'est vrai, là, il semblerait que c'est vrai qu'est-ce qu'il a fait là. Fait que c'est pour ça que la Ligue nationale veut s'assurer avant de déterminer la durée de sa suspension pour justement valider les infractions qu'il a faites. Kareem, il a 23 ans. Donc c'est tout un athlète. Donc je trouve que c'est sûr qu'au niveau social, au niveau les partisans, tout ça, c'est vu comme controversé, comme embauche. Mais veux pas, si jamais les Browns vont quand même respecter la suite des choses. Donc je pense que c'est un bon move. C'est comme une liste de protection. Il est protégé par les Browns en ce moment. Effectivement. Joe Flacco qui se ramasse à Denver. Comment tu trouves ça? Comment tu trouves John Elway? Il a donné un gros contrat à Case Keenum, il n'a pas fait de la job. Case Keenum, je pense que quelque part, un gars qui était troisième quart toute sa carrière, qui n'était pas nécessairement, c'était peut-être normal et qu'il avait joué toute sa tête l'autre année avec les Vikings. Flacco, il a gagné, il a connu les gros matchs, mais il coûte cher. Oui, mais il va coûter. Je sais qu'Elway, il visait aussi Nick Foles. Je pense qu'il s'est dit que il est aussi bien d'aller avec Flacco. Je pense que Flacco, on va voir. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont besoin de changer d'air un peu. Mais pour venir à John Elway. On l'a dit la dernière fois quand il a congédié ses coachs, tout ça. On commence à douter de ses compétences au niveau opération football, puis tout ça. Donc, je pense que c'est sa dernière chance à lui aussi. Peut-être il va demeurer encore avec... Oui, c'est une icône, mais je pense qu'il va peut-être donner... Peut-être il va peut-être nommer un DG, puis il va peut-être être comme le président de l'équipe, là, genre. Oui, c'est ça. Parce que ses décisions, là, à part de Manning, là, ça a été... Peyton Manning, ça a été peut-être un geste de séduction. Mais à part de ça, il a pas fait... ses décisions ont laissé beaucoup à se douter, c'est ça. Donc, mais pour venir à Joe Flacco, il y a quand même là les discussions, c'est qu'on va voir Case Keenum comment il va réagir, mais Case Keenum pourrait être un bon backup à Flacco aussi là. Il coûte cher pour un backup là. Ouais. Mais ils vont l'essayer de l'échanger quand même, là. C'est pour Ouais. ça qu'ils vont commencer par l'échanger. Puis pour venir à Joe Flacco, ben, c'est le genre de style que Elway aime aussi, là. Donc, c'est un échange que tu sais, je pense que c'est pour un quatrième round, là. Donc, c'est Ouais. pas si pire quand même. Mais comme tu dis, oui, il y a de l'argent, mais c'est un. Je pense que c'est une des dernières chances au niveau opérationnel pour Elway parce que là. Mais il fit bien, Flacco fit bien. Va bien fitter dans le système avec Fangio, là, qui est rendu le nouvel entraîneur-chef. OK. Parlons maintenant du côté de la Ligue Alliance de football. Écoute, moi j'étais excité la première semaine. J'étais surtout curieux. Je suis moins curieux cette semaine. C'est drôle, hein? Je suis moins excité. Par contre, Ben, tu fais le baseball, je Danny. fais le T'es en baseball. mode baseball. Ouais, je fais le baseball, c'est sûr. Par contre, j'ai toujours dit que ça manquait une ligue de patate. Écoute, j'ai vu les commentaires de à peu près tout le monde aux États-Unis. C'est presque tous unanimes. Le spectacle a passé la coche. Mais là, c'est bien beau tout ça, mais c'est cette semaine qu'on va voir quelle sera la réaction des gens. Si les cotes d'écoute baissent, s'il y a moins de monde dans les gradins, parce que, écoute, en Arizona, la semaine passée, il y avait 10 000 personnes à peu près. Ouais. Ça a joué entre 25 000, la plus grosse salle à San Antonio, et 10 000 en Arizona. C'est là qu'on va pouvoir se poser des questions. Ben moi, ma grosse question, puis j'ai pas eu la réponse, c'est que c'est au niveau financier comment cette ligue-là va aller, mais je l'ai mentionné pas mal dans les réseaux sociaux, il faut être vraiment patient, Oh, là. Les gens, après une semaine, là, je pense qu'ils exagéraient un peu, là, mais oui, effectivement, la ligue ne s'est pas embarrassée, là. Il y a à faire du bon football, c'était très intéressant, il faut le voir comme une ligue Le de développement. développement. De développement, puis moi j'utilise même le terme laboratoire Ouais. pour essayer des règlements pour la NFL, puis on va voir éventuellement, puis Bill Polian, là, C'est pas un lors d'un tata, entre. Pardon? C'est pas un tata, Bill Polian, là. Non, c'est pas un tata, puis quand il y a eu une entrevue le premier week-end à la télé, CBS, samedi soir, il vise comme dans 4-5 ans. Lui, là, comment il verrait ça, c'est d'avoir les joueurs des équipes d'entraînement de la Ligue de la NFL venir jouer dans la Ligue Alliance. C'est Faudrait tout à fait normal. peut-être associer comme une équipe à quelques-unes. Vu que ce sont 8 équipes, là, je mettrais 4 équipes par équipe. 4 équipes de la NFL, puis il y aurait une équipe de la Ligue Alliance qui chapeaute ces 4 équipes-là. Faut le voir comme ça. C'est une ligue de développement. On a vu, quand même, c'était intéressant. J'ai bien aimé le rythme, 2 heures et demie. Ouais. Ça, c'était à prendre des notes. Une Le seconde, calibre. de moins, ça paraît. Le jeu est ultra rapide. Ah oui. C'est. Ah oui, puis je te dirais, je pense que le plus long, ça a été 2h35. Tout le monde a respecté le 2h30, 2h35 là, au total, là. Donc j'ai bien aimé ça. Faut voir les joueurs là-dessus. On a vu en tout cas l'équipe d'Orlando que j'aime très bien, là, que j'ai vu de Steve Spurrier là, avec Garrett Gilbert, là, a très bien joué. Je pense que c'est la meilleure équipe de la Ligue en ce moment. Donc, non, c'est pour ça que je reviens au début. La question financière, je ne sais pas si cette Ligue-là, parce que c'est eux qui chapeautent toutes les 8 équipes, donc c'est eux qui sont propriétaires des 8 équipes, là. On dit que plusieurs joueurs seraient impliqués, plusieurs anciens joueurs seraient impliqués financièrement, plusieurs anciens joueurs de la NFL, puis ça n'a rien du sens, ça, c'est une rumeur, là. Ça a du Bon, sens parce qu'il y a ben. plusieurs joueurs là, de la NFL, Ouais. là. Les vedettes, c'est Ben, les moi, je. anciens joueurs, là. Ouais, mais moi je pense qu'ils vont tout faire pour le rendre un succès. Puis si la NFL est intéressée, là, Bon. ils vont s'impliquer aussi financièrement éventuellement. Donc, tu sais, on a toujours dit il y avait 80% des joueurs de la Ligue Alliance qui ont signé un contrat avec la NFL. Donc, mais ils n'ont pas vu tant de jeux. Puis je pense que c'est ça que les DG, les entraîneurs veulent avoir une ligue où ce qu'ils vont développer surtout des joueurs clés comme le corps arrière, comme une ligne offensive. Ils voient pas assez de répétitions en, sais, la nouvelle convention collective là, à la NFL là, réduit beaucoup les heures de pratique, les heures de répétition. Donc, c'est très difficile à développer des joueurs. Donc, mais j'ai bien aimé aussi, même s'il y avait seulement 10 000 personnes à Arizona, mais des places comme à San Antonio, ben, tu sais, c'est tous des joueurs locaux. Puis, ils étaient dedans, les partisans. J'ai vraiment aimé la réaction. Puis, comme tu dis, en fin de semaine, il va peut-être avoir un peu moins, mais c'est vraiment, faut y donner. Moi, je pense qu'ils ont une vision à 5 ans, ouais, en espérant que monétairement, financièrement, ils vont être capables d'y arriver jusqu'à ça pour que la NFL puisse s'impliquer davantage. Ben, je pense que déjà la NFL officiellement n'est pas impliquée, mais officieusement est impliquée. Oui. Puis il faut faire on a eu les nouvelles là, ils ont approché Kaepernick. Ouais. Ils ont approché Colin Kaepernick, ouais, à Ligue Alliance pour jouer, mais ils demandaient 20 millions. Moi, je pense que écoute bien, moi je pense que ça va, c'est mûr pour la XFL qui, ouais, ouvre l'an prochain. La XFL, écoute. Moi, Stéphane Cadorette, j'ai parlé off the record avec Stéphane Cadorette, puis il m'a annoncé quelque chose. Il a dit que le plan de la XFL, c'est d'aller chercher des joueurs qui sont sophomores et junior dans la NCAA, puis des, ouais, emmener. Un exemple, le cas typique, là, c'est Travis Lawrence de Clemson. Tout, ouais, le monde sait qu'il est trop fort actuellement pour la NCAA, et ça pourrait faire mal. C'est ça le plan de la XFL, ils ne s'en ont pas caché, c'est ça. Là, on annonce que le Bob Stoops a été nommé. Là, Jim Zorn, qui a déjà dirigé les Redskins de Washington, serait également un des entraîneurs également. Ça va être annoncé bientôt. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans ces deux ligues-là. Mais tu as raison, écoute, on va voir. Mais comparé à la Ligue Alliance, j'espère que la XFL va falloir que... Tu sais, le succès de la Ligue Alliance, c'est qu'à un moment donné, là, on était à 2-3 mois, puis il y avait déjà 500 joueurs de signés. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir comment qu'ils vont aller chercher, aller signer ces joueurs-là comme à peu près 3-4 mois pour démontrer l'intérêt. Moi, je l'ai toujours dit, la XFL va focusser sur l'individu. Tu sais, des Kaepernick de ce monde, des gros noms. Et Johnny Manziel, je suis convaincu qu'il se ramasse là l'an prochain. Ouais. Mais j'ai hâte de voir ça, mais c'est ça qui va arriver, mais je suis pas sûr jusqu'à quel point ils vont rivaliser cette ligue-là. Là. En tout cas, moi, je suis pas convaincu pour la XFL, puis on va voir. Là. Moi, ce que je peux te dire, c'est que le plan, c'est de ne pas jouer avec, de ne pas essayer de compétitionner à la NFL. Les ligues qui se sont plantées à la session de la Ligue mondiale de football, les ligues du printemps, ils ont toujours essayé de compétitionner avec la NFL, puis c'est l'erreur à ne pas faire. Mais la XFL, je pense, c'est le entertainment, c'est de la business d'entertainment. Comme, je ne dirais pas que ça va être comme la lutte, là, mais c'est vraiment pour aller chercher les spectateurs. Fait que, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi que tu veux faire? Tu veux rajouter plein d'autres caméras sur le jeu ou, ils veulent pas, la XFL a mentionné qu'ils veulent pas engager des gens qui ont eu des joueurs qui ont eu des dossiers criminels, mais je pense que quasiment tout le monde en a. Ben ouais. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, pour faire un big splash, comme on dit, c'est pour ça que la Ligue Alliance, en ce moment, ils vont avoir un an dans leur corps. Fait que, mais ça va être pas mal, comme on a dit, développement, laboratoire, tandis que la XFL, peut-être ça va être un meilleur spectacle, mais je sais pas jusqu'à quel point le partisan veut... Puis en ce moment, le partisan de football, comme tu as vu, Danny, sont un peu perdus, pas perdus, mais ils se questionnent. Là. Il y en a qui n'ont pas aimé ça, mais ils savent pas c'est quoi l'objectif derrière une ligue aussi. Fait que c'est quoi qu'on veut comme spectateur? On veut avoir plus de football, puis en espérant que ça a un lien avec la NFL, là, à moins que les XFL, je pense pas que le... T'sais, c'est comme la CFL, là, oui, ça a son sport, mais ils sont allés faire des ententes avec d'autres pays. T'sais, ça n'est une qui veut comme quasiment rivaliser la NFL, mais il y aurait peut-être une façon pour travailler avec eux ou même la Ligue Alliance. Là, ouais. Tony, gros, gros merci de ta collaboration cette année. Ça va être au besoin pendant la saison morte. Je te dis tout de suite, le marché des joueurs autonomes, tu vas revenir dans un mois pour le marché des joueurs autonomes. parce que ça va être quelque chose dans 3 semaines, 1 mois. Il y a des combines qui s'en viennent, je vais le faire avec Wallet, si tu permets, de la même gang. Ben oui. Utilise les spécialistes. Oui, effectivement. gros merci, ça fait fort agréable tout au long de la saison. Puis au plaisir de se reparler dans 1 mois, puis au besoin. Merci, Danny, de m'avoir donné la chance, puis merci aux auditeurs de suivre le blitznfl.com. Ça fut un énorme plaisir de jaser football avec vous autres. OK, merci beaucoup. Donc, Tony Guzzo de cette NFL, le Blitz NFL.